Bonsoir. Moi, je suis astrophysicien. En plus, je suis, disons, très orienté chercheur. Disons, ce genre de discussion, c'est bien la première fois auquel je participe à ce genre de discussion, parce que d'habitude, ça m'ennuie terriblement. Je vais d'abord vous donner le contexte, peut-être pourquoi je suis là. Pourquoi ça tombe sur moi? D'abord, je ne représente pas du tout l'ANR. Je suppose que c'était un peu évident, mais enfin. J'ai été 3 ans donc président d'un des comités d'évaluation. Et à l'ANR, disons, il y a une quarantaine de comités d'évaluation. Donc j'étais président de l'un d'entre eux. Pourquoi est-ce que j'ai tenu à mettre le titre Astrophysique, physique subatomique et théorique, Terre interne et histoire de la Terre. Peut-être que ça vous dit rien, je ne sais pas, mais enfin, bon, c'est très large. C'est la chose, donc peut-être que dans votre domaine, vous pouvez faire la même chose. Ce comité est donc extrêmement large, c'est pas très large, c'est très très large. L'astrophysique n'a strictement rien à voir avec la Terre interne, l'histoire de la Terre, bon, on peut imaginer quand même vaguement, mais enfin, bon. Physique subatomique, surtout la physique théorique, ça n'a strictement rien à voir. Et même en astrophysique, c'est toute l'astrophysique. C'est-à-dire que c'est de la physique du laboratoire, où on étudie la poussière en laboratoire, jusqu'à, en passant par les exoplanètes, les petits bonhommes verts, vous savez. Et puis la cosmologie, l'univers dans son ensemble, etc. Donc c'est extrêmement vaste. Une petite remarque, sinon je vais oublier, c'est de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que c'est pas, enfin là aussi il y a peut-être des différences. Ça sera assez biaisé recherche fondamentale. Enfin, mes remarques et mon opinion sont assez biaisées recherche fondamentale. J'ai pris récemment, je ne sais plus quand c'était dans l'été, je crois, j'ai pris une décision personnelle que je pensais personnelle, qui était de ne plus participer aux évaluations de l'ANR. J'ai juste fait un mail à mes collègues en disant que je les invitais à ne plus participer à ces évaluations. Bon, ça a eu un peu d'écho, on va dire. Probablement parce que y a peut-être pas mal de gens qui étaient à peu près d'accord avec ce que je disais. Pour moi, c'était une position personnelle. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une pétition récemment qui a été envoyée par trois collègues. Mais moi, je n'ai pas voulu faire ça parce qu'en fait, je pensais que je n'avais pas la même position que la majorité des gens. Donc, j'ai voulu que chacun prenne ses responsabilités. Juste entre parenthèses, j'ai été beaucoup félicité à travers le monde pour mon courage. Alors je répondais, je ne vois pas très bien le courage que ça représente, mais enfin bon. Très peu, enfin je crois savoir, enfin, j'ai eu très peu de retours de gens qui disaient oui, je suis d'accord et je ne vais pas, je vais arrêter de faire des évaluations à l'ANR. C'est pour ça que je pensais que c'était bien que ce soit une position personnelle. Alors aussi pour la petite histoire. Après que j'ai pris position, les présidents de ces 40 comités se sont envoyés internement, enfin de façon interne, un message en disant, sans faire référence que j'ai fait, c'est pas le problème, mais en disant il faut qu'on fasse quelque chose, etc., qu'on envoie une lettre à l'ANR. Très bien, qu'est-ce qu'on met dedans, il y avait tout un canevas. La première personne qui a fait ça, il y avait plein de choses qui correspondaient un peu à ce que je veux dire. Mais petit à petit, les gens disaient « Ah non, je ne suis pas d'accord, non, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. » Et à la fin, évidemment, qu'est-ce qu'il est resté? Il est resté « Il n'y a pas assez de budget. » C'était une des raisons pour laquelle je ne voulais pas faire une action. C'est parce qu'en fait, j'étais persuadé qu'effectivement, les gens allaient tomber sur le budget. Et personnellement, je le redirai, je ne pense pas que ce soit une question de budget. Et à la finale, la lettre n'a pas été envoyée parce que, soi-disant, seulement 27 sur 40 présidents voulaient bien signer cette pétition. Enfin, cette pétition, cette lettre à l'ANR. Juste pour vous dire, de toute façon, c'est taper dans l'eau, c'est un coup pour rire, parce que il y a 3 ans, donc la première année où j'ai été président, on avait déjà envoyé une lettre à l'ANR. C'est parce que tout le monde avait signé. Et c'était unanime. Et cette lettre, on a eu une réponse de la présidente de l'ANR à l'époque, nous disant que bah, il n'y avait pas de budget, donc on ne pouvait rien. Donc ce que je veux dire, c'est que tout ça, ça a mené à pas grand-chose. Alors bon, pourquoi moi j'ai considéré qu'il fallait faire quelque chose? Parce que le taux de réussite est à 8%. Le taux de réussite sur l'ANR hein, des projets est à 8%. Et je pense que, enfin, menace à la discussion peut-être. En tout cas, moi, je pense que la sélection n'est pas impartiale. Ça, je sais qu'il y a des collègues qui ne sont pas d'accord avec ça, que la sélection reste impartiale, qu'on fait du bon travail, etc. Moi, je considère que même si, en particulier, mon comité a très bien travaillé, je pense qu'il a très bien travaillé, la sélection ne peut pas être impartiale à ces niveaux-là. Et donc, il y a un problème, en fait, que moi, je rattache à la politique scientifique de l'ANR, parce que je pense qu'on ne peut pas dissocier l'évaluation de la politique scientifique. Il y a une politique scientifique, enfin, si on peut discuter, enfin, je ne sais pas si ce que vous voulez faire, hein, mais enfin, bon, on peut discuter l'évaluation, il faut noter comment, machin, enfin, etc. Pour moi, il y a d'abord une politique scientifique. Cette politique scientifique, elle amène une évaluation, enfin, une façon de fonctionner, etc., etc. Et donc à l'ANR, évidemment, enfin, comme vous le savez, disons là, le driver, là, c'est l'excellence. Et personne, enfin, d'après ce que je crois comprendre, que personne n'a défini ce que c'était que l'excellence. Et je défie quelqu'un de définir l'excellence. En général, hein, l'ANR, c'est quand même, ça chapeaute toute la recherche française. Quoi, hein, donc il faut définir une excellence. Enfin, je sais pas, une excellence. Quoi, hein, enfin, et moi, je ne sais pas ce que c'est que l'excellence. Et donc déjà, ça démarre de ça. Pour moi, en tout cas, l'ANR devrait dynamiser la recherche. C'est-à-dire qu'en fait, on est en France. Hein, bon, c'est un petit pays, il ne faut pas les connaître. Hein, donc, la recherche, ça a besoin de bouillonner. Hein, tout le monde sait ça. Je sais pas, hein, enfin, en physique, en tout cas, moi, je peux vous citer 10 exemples. On sait très bien que les idées, elles ne viennent pas toutes seules. Ça a besoin de bouillonner, et donc, en fait, il faut que ça parte dans tous les sens. Hein. Et si vous prenez 8% des projets, vous ne faites pas ça. C'est pas possible. Il faut prendre au moins, et là, je pense que, bon, après, il y a des arguments plus ou moins scientifiques, mais enfin, disons, moi, dans les comités où j'ai pu participer, en particulier pour les... J'étais 15 ans au niveau européen pour la sélection des projets en astrophysique. Bon, on voit bien qu'à 25-30%, ça va, quoi. Hein. Évidemment, vous faites descendre une année, mais enfin, bon, l'année d'après, ça passe, enfin, etc. Enfin, bref. 25-30%, ça tourne. Quoi. 8%, c'est... Enfin bref, alors, ça, on peut en discuter. Voilà. Et puis, alors ça, c'est très personnel. Du point de vue du fonctionnaire, en particulier à l'ANR, ma position, c'est qu'on peut on pourrait améliorer les choses à budget constant, mais que l'ANR, à cause de sa politique scientifique, ne veut pas. Donc moi, je suis vraiment... Enfin bon, alors là, c'est plus philosophique, si on peut dire. Ça commence à m'horripiler, disons, les gens qui disent qu'on a besoin de plus de budget, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça qui compte. Et je pense que, bon, je ne vais pas dire qu'on a... On croule sur l'argent, hein, je ne vais pas dire ça, mais je ne vais pas dire l'inverse. Hein. Mais je pense qu'on doit faire les deux. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question de comment on fonctionne, et puis après, peut-être, demander un peu plus, demander une rallonge. Voilà. Oui, alors, le fait que le comité soit très large, parce que ça, c'est les petites notes hein, que j'ai, hein, donc c'est un peu, ça va à droite à gauche. Le fait que le comité soit très large, ça, j'ai dit au début, ça veut dire que, du point de vue concret, cette fois-ci, pour bon nombre de projets, on n'a pas d'experts dans le comité. Donc, on a 30 membres, et voilà, on a de l'astrophysique, etc. Donc, on n'a pas d'experts. Alors, malheureusement, alors, si vous n'avez pas d'experts, vous n'avez pas d'experts, il n'y a pas de problème. Sauf que, de temps en temps, vous avez un expert dans le truc. Et, bon, ça biaise le truc. Donc, ça fait partie des biais que je vais signaler. Voilà, donc le fonctionnement, maintenant, pour être concret, on va dire ça, c'est très concret. Donc, l'évaluation se fait en deux étapes hein, à l'ANR. Bien sûr, on est par de l'ANR. Se fait en deux étapes, ce sont des projets. Les deux étapes, oui, c'est le gros argument, c'est la réduction de travail. pour tout le monde, disons, puisque pour ceux qui proposent et pour ceux qui évaluent, disons, évidemment, si vous n'avez que 5 pages à lire, ça fait moins à lire que 40. Hein, donc, si vous avez un pré-projet de 5 pages, c'est plus vite fait de scanner un pré-projet de 5 pages que de 40. Alors, bon, ça, on peut discuter, etc., etc. Moi, je vois aucun problème avec ça. 5 pages, c'est largement suffisant. Alors, tous ceux qui me disent « j'ai pas assez de place », moi, ma position, c'est que de toute façon, vous devez expliquer à des non-experts ce que vous devez faire. Vous êtes capable de le faire en 5 pages, point. Si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est votre truc qui n'est pas clair. Donc, pour moi, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, je ne suis pas tellement d'accord avec les arguments que, oh là là, ça demande beaucoup de travail et tout ça, etc. On est des chercheurs, on sait ce qu'on fait, on a des projets. Nos projets sont suffisamment clairs, parfaitement définis par. Je suis capable de le présenter, d'expliquer rapidement. Donc ça, ça ne pose pas de problème. Donc là, pour moi, le fonctionnement, donc il y a 30% des pré-projets qui sont retenus pour présenter ensuite un projet d'une quarantaine de pages. Et donc sur ces projets ensuite, donc la phase 2, il y a à peu près un tiers des projets qui sont classés. Ça, c'est aussi, ça pose une chose, c'est que les évaluateurs classent. Là, on dit le premier, le deuxième, le troisième, tac, tac, tac, tac, tac, tac. On ne sait pas où est la barre. Et c'est l'ANR, hein, c'est bien, ça c'est très important, parce qu'en fait, c'est-à-dire le comité d'évaluation, c'est des experts qui savent, enfin c'est le prétexte, c'est-à-dire qu'on sait ce qui est excellent et pas excellent, et nous savons classer l'excellence dans l'ordre. Voilà. D'accord. Ensuite, l'ANR, évidemment, on vous dit, bah voilà, tac, tac, on coupe à cet endroit-là. Et ça, c'est le budget qui décide. Donc ça, ça marche comme ça. Alors, dans l'évaluation, maintenant proprement dite, sur la phase 1, le pré-projet est envoyé à au moins 3 rapporteurs. Alors, on dit au moins 3 rapporteurs, mais enfin, des fois, les gens, ils refusent tout ça, ils refusent, puis à la fin, vous avez qu'un rapporteur. Bon, c'est rare. Enfin, ça arrive, ça peut arriver. Les pré-projets sont classés sur la base de la moyenne des notes. Donc, ça veut dire qu'on demande une note aux 3 rapporteurs, on fait la moyenne, et voilà. On classe ensuite les projets. D'accord ? Et alors, bon, là, c'était la première année. Alors, tout le monde a explosé, enfin, dans notre comité, tout le monde a explosé là-dessus, parce que, je reviendrai sur les biais, en tout cas, moi, je ne sais pas, ça fait 40 ans que je mets des notes. Enfin, avant, j'étais noté. Pendant 40 ans, j'étais noté aussi, oui, mais enfin. Disons, moi, je ne comprends pas qu'on fasse ça. Enfin bon, il y a beaucoup de collègues qui ne comprennent pas. On a réclamé évidemment que le comité... Parce que ça se faisait donc par ordinateur. Hein. On a râlé et du coup, l'année d'après, c'est pour ça que je n'ai d'ailleurs pas démissionné avant. On m'a dit, on a tout changé, vous inquiétez pas, on a su recommandation. Et donc, ils ont mis qu'effectivement que le comité pouvait vérifier ses notes. Mais nous, on pensait naïvement qu'on allait pouvoir discuter. On va voir les notes, discuter de la science, enfin que ça. Non, non, non. On regardait juste les notes, donc ça c'est l'ANR qui nous a imposé ça, on regardait les notes, et si on considérait qu'une note était bizarre, alors on pouvait aller voir cette note-là, et enlever donc uniquement la note la plus basse. C'est un peu compliqué, hein, personne n'avait compris la première fois, parce qu'on disait c'est pas possible. Bah si, c'est possible. Donc voilà, et donc et en plus on pouvait pas le faire sur tous les projets. Enfin bref, on nous a fait croire qu'on pouvait intervenir sur cette notation, et en fait, à la finale, on peut très peu. Enfin, quasiment, ça ne sert à rien. Donc, grossièrement, ce que fait l'ANR, c'est qu'elle prend des notes, elle demande à 3 personnes ou plus de noter, elle fait une moyenne, et donc elle nous donne ce classement. Donc, uniquement 30% des projets sont gardés. Ensuite, c'est la phase 2. Donc, dans la phase 2, le projet est envoyé au moins 3 rapporteurs, c'est le même truc. Évidemment, c'est souvent les mêmes. Je répète, c'est souvent les mêmes. Ça veut dire, enfin, je ne sais pas vous, hein, si moi j'ai classé 40 projets sur la base de 5 pages, je vois arriver 40 pages, tchac, tchac, tchac, je dis, ouais, c'est la même chose. Donc c'est souvent les mêmes rapporteurs. Ça veut dire qu'en fait, très souvent, il y a une corrélation entre la première et la deuxième phase. Bon, vous allez me dire pourquoi pas, je ne sais pas, enfin, externe, enfin, c'est juste, c'est une... remarque. Alors la grosse différence, bien entendu, c'est que cette fois-ci, il n'y a pas que les notes, et c'est le projet, un rapporteur et un lecteur interne. Le rapporteur, en principe, est le spécialiste le plus proche du sujet, et le lecteur est n'importe qui. N'importe qui voulant dire, le mec, il n'est pas spécialiste du tout. Enfin, il comprend à peine le résumé, quoi. Enfin, vous allez me dire, non. Enfin, croyez, enfin, je ne peux pas croire, oui, enfin, petite remarque, hein, quand je suis un peu ironique sur l'astrophysique, machin, etc., je vous permettrai de généraliser, parce que je ne peux pas croire que dans mon comité soit différent des autres. Ça, c'est une grande hypothèse que je fais très souvent. Les rapporteurs sont pris en dehors de la commission? Non. Non, ils sont tous dans la commission. Non. Le projet est envoyé à 3 rapporteurs externes. Les 3 rapporteurs de la première ligne, là, c'est externe. C'est à l'extérieur. C'est au moins 3 rapporteurs, souvent, enfin, quand même assez souvent, il y en a 4. Donc eux, ils notent. Ils font pareil, disons. C'est la même chose que dans la première phase. La grosse différence, évidemment, c'est qu'il y a un rapporteur et un lecteur interne au comité. Ce sont des notes sur 20 Non, sur 15. Ah oui, alors si vous voulez que je vous décrive. Oui, parce que. Non, tout ça est tellement absurde que ça. Ah, si vous me demandez. Non, mais vous devriez me dire. Mais y a-t-il des directives? Vous savez, peu souvent, on vous donne des indications sur quoi vous devez noter. C'est vrai, il y a trois grands thèmes. Alors, le premier thème pour l'astro. Alors, je ne le sais pas par cœur, hein, excusez-moi. Il y en a 3, en tout cas. C'est 3 notes sur 5. Il était de 5, donc ça fait en tout, ça fait sur 15. D'accord. Et alors, le premier, c'est est-ce que ce projet répond à l'appel? Alors là, c'est, disons grossièrement, l'appel pour l'astrophysique, hein, ça, c'est est-ce que c'est de la recherche fondamentale? Réponse oui. 5. D'accord. Donc déjà le premier, d'ailleurs il y a des collègues qui me recrient la première année. Cher Patrick, je ne comprends pas, je n'ai pas eu 5 au premier. Au premier truc. J'ai dit. Oui, je réponds. Bon. En fait, un rapporteur, il voit 3 trucs sur 5. Bon, il ne regarde pas ce que c'est. Il va dire, ouais, c'est bon, allez, j'ai besoin d'enlever un point. Donc, je mets 4. D'accord. Parce que le deuxième, c'est la science. D'accord. Est-ce que vous allez faire du breakthrough? Il faut faire un breakthrough, hein, sinon ça manque. Bon. Donc là, la science, ça va. Hein, sur 5, bon, vous notez, voilà. Alors bon, enfin bref, après on viendra sur les notes. Et puis ensuite, le cinquième, c'est est-ce que le budget est bien fait? Enfin, un truc comme ça. Généralement, c'est 8. Enfin, donc si vous voulez après classer, parce qu'on vous demande de classer, ben voilà, vous enlevez un point, enfin, etc. Enfin, ça, c'est peut-être du détail, si tu veux. Enfin, on peut revenir. On peut revenir là-dessus. Donc le comité doit fournir un classement sur un tiers des projets, voilà, donc on classe. Hein. Ce qui est important, c'est qu'il adopte ses règles de fonctionnement interne. C'est-à-dire l'ANR se moque de comment le comité fonctionne. D'ailleurs, j'avais proposé que le président fasse le classement. Mais enfin bon, donc le règlement interne est décidé par le comité, d'accord. Et l'ANR veut un classement, point. Voilà. Alors, nous, vous avez vu que comme il y avait astrophysique, physique et géophysique, on a fonctionné en 3 sous-comités. Tout le monde ne fait pas ça. Il y a des gens qui veulent fonctionner en comité entier. Et nous, on a dit, évidemment, c'est le président qui est un peu, donc moi, je dis, bon, écoutez, en géophysique, moi, j'y connais rien. Ça ne sert à rien que j'écoute ce que vous racontez en géophysique. Le physicien était plutôt content, les physiciens aussi. Donc on a fait 3 sous-comités. D'accord. Alors évidemment, vous pensez bien... bon, alors là, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail. Ça, je peux vous le remonter après. C'était juste pour montrer quelques... Ça, c'est des transparents que moi, je montrais le premier jour au comité. Alors, vous voyez, vous avez physique, astronomie et terre. Tac, tac, tac, un, deux, trois. Alors, juste aussi... Bon, il y a les jeunes chercheurs. Juste pour dire que c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Très rapidement. Il y a les jeunes chercheurs, les collaborateurs, si vous avez fait des ANR. Vous savez que si vous êtes jeune, vous êtes en principe à part, mais vous demandez moins d'argent. Donc le journalisme scolaire collaboratif, alors là, les collaboratifs, c'est des gros trucs, quoi. Il faut être collaborateur. Puis après aussi, vous avez des trucs avec les entreprises. Nous, on n'en a pas beaucoup, vous voyez, un là. On n'en a pas beaucoup, mais vous pouvez avoir dans d'autres domaines des projets qui sont faits avec des entreprises. Et puis, vous avez ce qu'on appelle les internationaux. On l'a peut-être fait aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous mettez d'accord avec vos collègues allemands, hein, ou autrichiens. Et puis, vous demandez de l'argent à l'ANR et eux, ils demandent de l'argent à la DFG pour l'Allemagne, etc. Alors, on vous dit, oui, les internationaux, c'est compliqué parce qu'évidemment, il faut attendre les Allemands. Alors, on ne peut pas accepter un Français si l'Allemand n'est pas accepté. Enfin, vous voyez, c'est un peu compliqué. Mais on vous dit, c'est pas votre problème, c'est le problème de l'ANR, vous classez. Voilà. Et alors, la dernière année, on classait les jeunes chercheurs et les collaborateurs indépendamment. L'entreprise et internationaux, il fallait qu'on les classe dans les collaboratifs. Alors qu'il y a une partie ailleurs. C'est bon. On peut se poser la question, en tout cas moi, je considérerais qu'on ne devrait pas les regarder de la même manière. Enfin, bon. Et puis alors, une année, ça a été quand même très fort, parce qu'en fait, on a dû classer les jeunes chercheurs avec les collaboratifs. Ça veut dire qu'il fallait qu'on dise, voilà, le jeune chercheur qui demande un postdoc à Strasbourg pour faire son petit machin, il était en compétition avec un projet collaboratif où il y avait 4 laboratoires avec une grosse manip, machin, enfin, etc., qui demandait 3 fois plus d'argent. Ah, ben c'est comme ça, il faut que vous les classiez. Alors évidemment, ce qu'on a fait, bon, c'est qu'on a pris classé les jeunes chercheurs, on a classé les collaboratifs, et après on a dit, bon, combien on met de jeunes chercheurs en tête. Voilà. Et ça, bah, tout le monde n'est pas d'accord. Donc nous, on a un peu imposé. Après, il y a une petite discussion, puis ça s'arrange. Hein. Généralement, les gens sont des gens de bonne volonté, hein, dans ces comités. Enfin, juste pour vous montrer le business après que ça fait un peu cuisine interne. Vous voyez ce petit classement ATAP. Alors A, c'est astrophysique, Terre, c'est géophysique, et P, c'est physique. Et alors, il fallait qu'on se mette d'accord. Vous voyez, cette liste-là, ça a l'air bizarre. On peut se voir. Il y a que des A, c'est astrophysique, vous voyez, c'est clair. Les T, c'est Terre. C'est le classement. P, c'est physique, voilà. Alors, oui, évidemment, parce que après, vous avez trois sous-comités. Alors, le dernier jour, évidemment, ils disent, ah bah oui, mais le mien qui est premier, il est meilleur que le vôtre, etc. Non. Enfin, là, c'était ma philosophie. Les astrophysiciens ne sont pas meilleurs que les géophysiciens ou que les physiciens. Et réciproquement, bien entendu. Donc, du coup, après, il y a une espèce de calcul. Alors là, je ne vous dirai pas comment. Enfin, ça, c'est le président qui doit se démerder pour faire cette liste dans l'ordre et qu'après, tout le monde soit d'accord. D'accord ? Alors, c'est des histoires de pourcentage. Il faut une règle, et puis après, vous faites des pourcentages, vous modulez un peu, etc. Alors, les pourcentages, ça ne tombe jamais juste, hein, comme vous savez. Donc, il faut un peu de bonne volonté. Et alors, vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, c'était le début. Vous voyez, on dit, il y a tant de. En physique, il y avait, en jeune chercheur, il y avait 16 propositions, en astro 33, en terre 23. On s'est dit, là, c'est ceux qui étaient acceptés au premier tour. Alors déjà, il y a un truc, est-ce qu'on classe suivant ceux qui sont acceptés ou ceux qui sont proposés? Évidemment, d'après la règle que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est forcément les proposés. Parce que les acceptés dépendent d'une règle complètement stupide de notation, et donc on ne veut pas que nous soyons biaisés par cette notation. Donc en fait, on a dit le pourcentage de ce qu'on va accepter doit être 16, 33, 23, dans ces fractions. Et donc après, évidemment, dans le classement, il faut que vous arriviez à conserver, et il faut être très fort en mathématiques, il faut que vous arriviez à conserver les pourcentages quand vous descendez le classement. Parce que vous ne savez pas où est la borne. C'est ça qui est très fort. C'est que vous ne savez pas où vous allez couper. Ça, c'est l'ANR qui coupe, d'accord ? Donc, en fait, on fait à l'aveugle, d'accord ? Donc, on se met d'accord sur cette... Par exemple, le premier, ça sera un astrophysique, le deuxième, un terre, le troisième, un physique. Bon, ça, c'est pas grave, parce que vous savez qu'il y en a 5 ou 6 qui vont être acceptés. Donc les premiers, vous en moquez qu'ils soient premiers ou deuxièmes. Hein, c'est pour qu'ils soient acceptés. Ça commence à devenir embêtant ici. D'accord ? Mais après, c'est tout ou rien. C'est-à-dire, si ici, si je tombe exactement sur mes pourcentages, là, j'y suis plus. Et là, j'y suis plus. D'accord ? Et ça, on ne sait pas. On sait à la fin. Donc, voilà. Donc, en fait, il faut de la bonne volonté, on va dire, des membres du comité pour accepter, disons, que ben, c'est à l'aveugle et qu'on ne peut pas savoir, a priori. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est très compliqué à faire comprendre hein, aux nouveaux. Hein, qu'on ne sait pas, a priori, où est la barre. Et donc, on ne peut pas faire un classement qui soit, a priori, intouchable, enfin qui correspondent a priori à ce qu'on voudrait. Alors c'est pas possible. C'est très compliqué à faire comprendre. Alors, une fois que les gens ont compris, c'est-à-dire qu'ils sont bien décompressés, qu'ils ont bien compris que c'était catastrophique, ça va mieux. Une fois que vous avez admis que c'était terrible, ça va un peu mieux. Puis, voilà, donc on a quelques jours, on a 2 jours et demi, je crois, pour faire ce classement. Ça se passe plutôt bien, parce qu'on est en sous-comité, etc., etc. Enfin, en tout cas, moi, de ce point de vue-là, enfin, je ne sais pas quoi, du temps, etc., c'est pas vraiment le problème. C'est-à-dire, le comité lui-même se passe bien. Enfin, moi, en tout cas, mon expérience de comité, c'est que ça s'est toujours bien passé. Bon, là, je ne vois pas, mais enfin, pourvu que le président maintienne les troupes, évidemment, mais bon, voilà, si c'est raisonnable, les gens comprennent, les gens sont intelligents, ils savent très bien qu'il y a les limites, etc., etc. Je trouve que les comités se passent très bien. Alors je dépasse un peu, mais enfin bon, faire une petite remarque, parce que très souvent les gens ne sont pas d'accord avec ça. Les notes, parce que là on est dans l'évaluation, hein. L'évaluation, c'est des notes. Qu'elles soient sur 15 ou sur 20, ça, c'est pas grave. C'est une règle de 3, c'est pareil. Voilà. Alors, moi, enfin, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Je ne comprends pas que les gens pensent qu'on peut noter dans l'absolu. J'arrive pas à comprendre, excusez-moi, parce que, comme je vous dis, 40 ans de notation, j'ai jamais noté en absolu. Ouais, si vous me donnez un étudiant actuellement... attendez, c'est 10, c'est 11, c'est 15, j'en sais rien. C'est. Bah, voilà, c'est. Ouais, je regarde l'ensemble, et puis je me dis, voilà, j'ai des critères approximatifs. Enfin, là, c'est un classement qu'il me faut, hein. Il y a une petite différence avec les étudiants quand même. Enfin, donc, pour faire un classement, je classe en relatif. Alors, je peux dire qui est mieux que l'autre. Bon, c'est déjà ça se discute. Bon, enfin bon, admettons que je puisse dire qui est mieux que l'autre. Hein, là, on est au niveau de la notation. Disons, mais je ne peux pas noter dans l'absolu. C'est pas compliqué à comprendre. Il suffit de prendre. Là, je vous ai pris un exemple, hein, alors qui vient de notation au niveau européen, de projet d'astronomie. Enfin, vous mettez n'importe quoi d'autre, c'est pareil. C'est le même projet pour tout le monde. Vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 personnes qui notent. C'est un comité de 6 personnes. Ils notent. D'accord, ils mettent des notes. 0 à 5. Alors déjà, vous voyez. Alors oui, alors ça, c'est les notes. Vous voyez. Puis ça, c'est l'histogramme. Hein. Alors vous voyez celui-là. Alors bon, là, c'est 20% d'acceptation. Hein. Ouais. Vous voyez, celui-là, il est mal barré. Alors c'est les mêmes. Hein. Alors déjà, en moyenne, vous voyez que celui-ci... Celui-ci, tout le monde est gentil. D'accord ? Vous voyez ? Tout le monde est bon, quoi. Ah oui, parce que c'est dans ce sens-là, excusez-moi. Ouais, c'est de l'astronomie. Hein. Ouais. Alors, on a 5, c'est mauvais. Ouais, c'est souvent comme ça, les comités. 5, c'est mauvais. Voilà, donc... Enfin, bref. Donc ça, tout le monde est gentil. Voilà. Et donc ici, vous ne faites aucune différence, évidemment. Il faut aucune différence. Il faut 20%. Hein. 20%, on ne va pas y arriver. Alors, alors, par exemple, celui-ci, c'est un peu pareil, quoique il y a quand même les bons qui sont là. Alors, celui-ci, c'est le meilleur. Mais hein, excellent, c'est excellent. Ceux-là, ils sont excellents. Très excellents. Oui, celui-là, il n'y a quand même pas d'excellent. C'est quoi les distinctions ? C'est le lendemain ou c'est le... Comment? C'est différentes disciplines, c'est quoi? Non, non, c'est les mêmes, quoi, c'est différent, c'est différentes bonhommes. Ah oui, d'accord, d'accord. C'est différents référés. Et donc, en fait, ils notent des projets, ils ont des projets, ils les notent. D'accord. Et ça, c'est la distribution de leurs notes. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, si vous dites, je note dans l'absolu et que les référés peuvent noter dans l'absolu, tout le monde devrait avoir, vous voyez, le nombre de points est suffisant. Hein. Tout le monde devrait avoir, il n'y a aucun problème, hein, pour les distributions, statistiquement, c'est les... Donc tout le monde devrait avoir la même courbe. Bon, je suis en train de vous dire. Oui, c'est un exemple, enfin, je pourrais vous en donner mille, hein. J'en ai des dizaines dans mon bureau. Hein. Parce que ça c'est vieux, hein. c'est un truc. Mais enfin bon, personne n'a la même courbe. Enfin, moi je sais pas, j'ai jamais vu les gens noter de la même manière. Même au bac, ça se passe. Oui, déjà, externe. Bon, ben, donc voilà. Donc, bon, il y a peut-être que celui-là, parce que celui-là, il a vraiment dit, ben voilà, on met 20% des gens, voilà, ils vont être acceptés, quoi. Enfin, pour lui, hein. Enfin, il faut que les gens soient d'accord. Enfin, disons, grossièrement, tout le monde devrait avoir cette courbe. Ce qui n'est pas du tout le cas. D'accord ? Celui-ci, c'est encore pire, hein, puisque. Voilà. Mais c'est de là, etc. Bon, il n'y en a pas beaucoup aussi, petite remarque, hein. Nous sommes parmi nous. Donc il n'y en a quand même pas beaucoup de très très mauvais. Ouais. Ouais. Il est seul. Ah non, il y en a là. Ah. D'accord. Donc généralement, vous dites sur 20, mais en fait, généralement sur 15, la notation est très souvent entre 10 et 14. Voilà. Donc la note pour moi, il est dit, voire impossible de noter en absolu. Voilà, donc la moindre des choses, quand vous avez donc un ANR où il y a plein de notes, hein, il y a plein de comités, plein de machins, etc., c'est de normaliser. Et pour normaliser, il faut non seulement normaliser en moyenne, mais en écart. D'ailleurs, en fait, dans ce comité, ça, c'est les notes brutes. En fait, ce qui est fait, c'est qu'en fait, la moyenne et l'écart type des distributions sont calculées. Et en fait, vous renormalisez les distributions pour qu'elles. Évidemment, elles ne sont pas la même forme hein, mathématique, mais enfin, en disant grossièrement qu'elles reviennent à peu près à la même forme. ANR, rien n'est normalisé. Donc, si vous avez le malheur de tomber sur votre ennemi au premier tour, enfin, même pas ennemi, mais enfin, un moins bon ami que les autres, vous êtes pris. Voilà. Donc, les biais donc, dans ce genre de notation, etc. Donc, c'est la croyance en une excellence absolue. Alors, c'est vrai pour. Hein, c'est-à-dire que l'ANR vient nous voir et dit vous devez choisir les projets les meilleurs. D'accord. Voilà, dans l'absolu. Alors, évidemment, encore une fois, si on est à 25-30%, on peut y arriver. On peut arriver, disons, à pas que ce soit pas trop mauvais, quoi, hein. ça va aller. Je veux dire. 8%, ça, on sait plus ce qu'on fait, quoi. Ensuite, donc, évidemment, vous êtes présence-absence de spécialistes dans la discipline, ça, c'est un biais, hein, ça, dans tout comité, je pense. Alors, aussi, à l'ANR, ce qui se passe, c'est que il y a de plus en plus d'étrangers. Alors, la raison, c'est les conflits d'intérêts. D'ailleurs qu'en fait, un étranger, par définition, il n'a pas de conflit d'intérêts. Alors bon, je ne sais pas, je ne suis pas dans votre discipline, mais en astrophysique, bon, astrophysique, c'est quand même extrêmement international. Bon, vous savez, quand vous devez donner des noms de référis, là, pas beaucoup compliqué de donner plutôt ses copains plutôt que les autres, hein. Et c'est tous des étrangers, hein, donc il n'y a pas de problème. Donc, mais sauf que dans les comités aussi en France, il y a de plus en plus d'étrangers. Et ça, c'est un problème. Enfin, moi, je considère que quand le pourcentage d'acceptation diminue, c'est un problème à cause de la méconnaissance du contexte. Ça, c'est une autre chose. Enfin, c'est un autre côté. C'est-à-dire qu'en fait, la communauté en tant que telle, la communauté scientifique. Bon, ça se fait pas dans l'absolu, il y a quand même un contexte, et puis il y a des prospectives. Enfin, en astrophysique, il y a des prospectives, il y a des priorités, il y a des choses comme ça. Et en fait, si on met des étrangers, bon, c'est très bien, moi j'ai rien contre les étrangers, hein. Justement. Mais ils n'ont pas du tout, ou ils ne se préoccupent même pas du contexte. Et bon, moi en tant que président, je considère qu'on on distribue quand même de l'argent, une quantité non négligeable d'argent, et qu'on doit tenir compte un minimum du contexte. En tout cas, si on peut le faire, il faut le faire, etc., etc. On ne peut pas accepter, même si vous trouvez qu'il y a deux projets en cosmologie qui sont extraordinaires. Je suis cosmologiste, hein. Il y en a toujours trois. Mais vous ne pouvez pas mettre trois projets de cosmologie et puis considérer que la planétologie ne devrait pas avoir de projets parce que soi-disant ils sont meilleurs, etc. C'est pas possible. Donc voilà, enfin, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple. Or ça, c'est le contexte. Et l'ANR ne tient pas compte. Et la raison, toujours pareil, c'est l'excellence et l'excellence absolue. Et donc, voilà. Après, le biais de compétition entre les différentes sous-communautés, ça, c'est la composition du comité qui est en jeu. Parce qu'en fait, c'est pareil, vous avez beau dire, il n'y a pas de conflit d'intérêts, et puis les gens sont parfaitement honnêtes, disons que c'est pas question d'honnêteté, c'est question que si... Il y a des compétitions entre sous-communautés, et si le président n'est pas là pour remettre un peu les choses au carré, ça dérape assez vite. Biais sur les rapporteurs, parce que tous les rapporteurs ne sont pas égaux. Encore les membres du comité, vous les contrôlez à peu près, quoi, hein, c'est-à-dire si un est complètement farfelu ou pas, enfin, etc., ça arrive. Hein. Donc, mais ça se fait dans le comité. Sauf que les rapporteurs eux-mêmes, ça, vous ne les contrôlez pas. Donc, en particulier pour la première phase, où ce sont des notes. Et ça, je vous garantis qu'il y a des gens qui se font descendre uniquement parce qu'il y a un rapporteur qui avait mal déjeuné le matin. Voilà. Les membres du comité sont renouvelés tous les 3 ans. Chaque année, ça, c'est vraiment l'ANR. L'ANR, c'est elle qui décide. D'accord. Et on admet qu'elle admet quand même qu'il faut un historique, on va dire. Et donc en fait, elle tourne, disons, en principe la moitié. Mais comme il y a pas mal de gens qui refusent quand même pour être dans le comité, c'est entre le tiers et la moitié qui sont renouvelés.